pani kulusu masia Ezala kisempo ya bolingo na yu ipananga Nani maki okota na mote mapote obiki sangai Pauni ya talo, iziba na bomoyi Nakabimo bimba nangai nyoso ipanayo Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur ta voie. Yahweh mokonzi, petolanga, masumu maso, malongwa solo, nakoma peto, obosubwa yoe, pote na sale la kayo. Yahweh Production. Oh,